Victor Hugo, Les Châtiments. Cette nuit-là, trois amis l'entouraient. C'était à l'Élysée. On voyait du dehors luire cette croisée. Regardant venir l'heure et l'aiguille marcher, il était là, pensif, et rêvant d'attacher le nom de Bonaparte aux exploits de Cartouche. Il sentait approcher son guet-apens farouche. Un pied distrait dans l'âtre, il poussait le tison. Et voici ce que dit l'homme de trahison. Cette nuit vont surgir mes projets invisibles. Les Saint-Barthélemy sont encore possibles. Paris d'or, comme au temps de Charles de Valois. Vous allez dans un sac mettre toutes les lois et par-dessus le pont les jeter dans la Seine. Ô ruffiant bâtard de la fortune obscène, né du honte coït, de l'intrigue et du sort, rien qu'en songeant à vous, mon verre indigné sort. Et mon cœur orageux dans ma poitrine gronde, comme le chêne au vent dans la forêt profonde. Comme ils sortaient tous trois de la maison bancale, Morny Maupas le grec, Saint-Arnaud le chacal, voyant passer ce groupe obliqué taciturne, les cochers de Paris, sonnant l'heure nocturne, s'efforçaient vainement d'imiter le tocsin. Les pavés de juillet criaient à l'assassin. Tous les spectres sanglants des antiques carnages réveillés se montraient du doigt ces personnages. La Marseillaise archange aux chants aériens murmurait dans les cieux: aux armes, citoyens! Paris dormait, hélas. Et bientôt, sur les places, sur les quais, les soldats, dociles, populaces, janissaires conduits par rebelles et sobous, payés comme à Byzance, ivres comme à Stambou, ceux de Dulac et ceux de Corté d'Espinasse, la cartouchière au flanc, et dans l'œil la menace, vinrent le régiment après le régiment. Et le long des maisons, ils passaient lentement, à pas sourds, comme on voit les tigres dans les jungles, qui rampent sur le ventre en allongeant leurs ongles. Et la nuit était morne, et Paris sommeillait, comme un aigle endormi pris sous un noir filet. Les chefs attendaient l'aube, en fumant leurs cigares. Ô Cosaques, voleurs, chauffeurs, routiers, bulgares, ô généraux brigands, bagne, je te les rends. Les juges d'autrefois, pour des crimes moins grands, ont brûlé la voisin et roué vif des rues. Éclairant leur affiche infâme au coin des rues, et le lâche armement de ces filous hardis, le jour parut. La nuit, complice des bandits, prit la fuite et traînant à la hâte ses voiles, dans les plis de sa robe, emporta les étoiles. Et les mit le soleil dans l'ombre étincelant, comme les sequins d'or qu'emportant s'en allant une fille au baiser du crime habitué, qui sera habillé après s'être prostituée.